tempt us to go further into that of warning. Heute geht es weiter mit dem Thema Warnung. Aujourd'hui, on va continuer avec notre thème de faire attention. Amen. Amen. And then, after that, we will go into our message. Und danach gehen wir in unsere Botschaft. Après ça, on va continuer avec notre message. That of warning we start for some Sunday. The Lord gave it to us. Das mit der Warnung hat am Sonntag angefangen. Da hat der Herr uns diese Warnung gegeben. Le thème que l'Éternel nous avait donné de faire attention, on avait commencé dimanche. We are not going to repeat the words on Sunday. It's already because we recorded it on Sunday. Wir werden die Sachen von Sonntag nicht wiederholen, aber wir haben das am Sonntag aufgenommen. Ich habe eine Frage, Mama. Ist es für allgemein oder ist es wieder für privat? This one can be for everyone. Okay. Yeah, it doesn't matter. Yeah, the first one can be for. Yeah, this one can be for everyone. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He said we should learn to remember Him in all things. Er hat gesagt, wir sollen lernen, ihn in allen Dingen uns an ihn zu erinnern. L'Éternel a dit qu'on doit apprendre à se rappeler de lui en toute chose. And that's how we make him number one. Und so machen wir ihn zur Nummer eins. C'est la manière laquelle on fait de lui le numéro un dans notre vie. And that's how we permit the Holy Spirit to be there for us. So lassen wir zu, dass der Heilige Geist für uns da ist. Et c'est comme ça qu'on permet au Saint-Esprit d'être là pour nous. He wants to be number one in everything. Er will die Nummer eins sein in allem. Il veut être le numéro un en tout. Amen. Amen. Again, Christ the Lord wants to be number one in all things in our life. Christus der Herr will die Nummer eins sein in allen Dingen in unserem Leben. Jesus Christ veut être le numéro un dans toutes choses de notre vie. Amen. And not number one in some area, and then the other area he's not. Nicht nur Nummer eins in einigen Bereichen, in anderen Bereichen ist er es nicht. Et il veut pas être dans le numéro un dans quelques domaines et dans les autres domaines il n'est pas le numéro un. Il veut être le numéro un dans tous les domaines. Amen. Number one in all things, including any money that comes to us. Nummer eins in allen Dingen, die wir tun, besonders im Geld, jedes Geld, was zu uns kommt. Il veut être le numéro un inclus aussi quand il s'agit de chaque montant d'argent qu'on est en train de recevoir. Any money that we receive. Jedes Geld, was wir verdienen. Chaque argent qu'on reçoit. He trains us with all things. Er trainiert uns mit allen Dingen. Il est en train de nous entraîner à travers toutes choses. He trains us with all these little things. Er trainiert uns mit all diesen kleinen Dingen. Il nous entraîne aussi à travers des petites choses. So that we can learn to remember Him. Damit wir uns daran erinnern können. Damit wir uns an ihn erinnern können. Pour qu'on puisse apprendre à se rappeler de lui. And be used to him. Und uns an ihn gewöhnen. Et aussi être habitué à lui. That he become our lifestyle. Dass er unser zu unserem Lebensstil wird. Il veut être notre mode de vie. Amen. Amen. He does not bless us through our income alone. That is our salary alone. Nicht nur durch unser Gehalt. Car l'Éternel ne nous bénit pas seulement à travers nos salaires. Amen. Amen. His blessing is through different ways. Sein Segen ist durch unterschiedliche Wege. Parce que sa bénédiction, c'est à travers des moyens différents. And to remember him must be in all. Und not through erinnern, only the salary. Muss in allem sein, nicht nur durch das Gehalt. Et se rappeler de l'Éternel, c'est dans tout, pas seulement dans nos salaires. You think of it. If he is only there for you through your salary and all other ways is not there for you. You think of it. Will you like it? Denk darüber nach, wenn der Herr nur in deinem Gehalt sozusagen für dich da ist, aber in allen anderen Dingen nicht mit involviert ist. Wie wäre das für dich? Pense à ceci. Imagine-toi si l'Éternel est là pour toi seulement quand il s'agit de ton salaire, mais dans toute autre chose dans ta vie, il n'est pas là. Est-ce que ça va te plaire? His blessings follow us in different ways. Sein Segen folgt uns auf unterschiedliche Weise. Sa bénédiction, ça nous suit dans des manières différentes. What he gave us is greater than what he gave the first church. Was er uns gegeben hat, ist größer als das, was er der ersten Gemeinde gegeben hat. Ce que l'Éternel nous a donné, c'est plus grand que ce qu'il avait donné à la première église. Let's go to Deuteronomy 8, please. 5. Mose 8. On va lire Deutéronome 8. Deuteronomy 8. Again, what he gave us is greater than what he gave to them. That's the first church. Was er uns gegeben hat, ist größer als das, was er der ersten Gemeinde gegeben hat. Donc ce qu'il nous a donné, c'est encore plus grand de ce qu'il avait donné à la première église. Amen. Amen. And yet, look at what he said to them here. Dennoch schaut euch an, was er zu ihnen sagt. 5. Mose. Malgré ça, rappelle-toi à ce qu'il regarde ce qu'il avait dit. Oui. À la dernière, à la première église. Because of time from verse 11. Amen. Deutéronome 8, verset 11. Beware that thou forget not the Lord your God. Thank you. In praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He said we should beware. It's a warning. Er hat gesagt, dass wir ihn auf keinen Fall vergessen sollen. Il a dit, prenez bien garde, ensuite de ne pas oublier le Seigneur. Amen. Again, beware that thou forget not the Lord your God, in not keeping his commandments, and his judgments, and his statutes, which I command this day. Verse 12. Verse 12. Lest when thou hast eaten and art full, and hast built goodly houses, and dwell therein, and when the herds and the flocks multiply, and your silver and your gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied. Verse 14. 14. Then the heart be filled up. Thy heart be lifted up, and thou forget the Lord your God, which brought thee out of the land of Egypt. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. He's talking about the first church here. Es geht um die erste Gemeinde. Ici, il parle de la première église. Amen. From the house of bondage. Amen. Amen. You know, if he's saying to the first church, they should not forget him. What we have today is greater than what they have. Yeah. Wenn er zur ersten Gemeinde sagt, dass wir ihn nicht vergessen sollen, dann sagt er es auch so viel mehr zu uns, weil das, was wir jetzt haben, sogar noch größer ist, als das, was ihm widerfahren ist. Ici, on voit qu'il s'adresse à la première église et il dit à la première église de faire attention de ne pas l'oublier. Et maintenant que nous sommes plus grands, ou bien ce qu'il nous a donné aujourd'hui, c'est plus grand que ce qu'il avait donné à l'ancienne église, la première église. Et s'il était capable à leur dire de faire attention, combien plus forte raison il va nous le dire aujourd'hui? Praise the Lord. In verse 57, who led thee through that great terrible wilderness, wherein we have fiery serpents and scorpions and drought, where there was no water, who brought thee forth water out of the rock of flint. Verse 16, who fed thee in the wilderness with manna, which your father knew not, that he might humble thee, and that he might prove thee, to do thee good at your later end. Verse 17. And thou say in your heart, my power and the might of my hand had gotten me this wealth. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We should be very careful. Wir müssen uns wirklich in Acht nehmen. On doit vraiment faire attention. Amen. Amen. You know, sometimes you don't even say that your power and your might have given you this word, but it's your action. Oft sagen wir nicht, dass unsere Kraft, unsere Stärke uns diesen Reichtum und diesen Wohlstand gebracht hat, aber unsere Taten, unsere Handlungen, unsere Entscheidungen zeigen das aber wiederum. Quelquefois on ne le dit pas, on ne l'expresse pas avec nos lèvres, on ne dit pas que oui, que c'est notre puissance, notre intelligence qui nous a donné toutes les puissances qu'on a, par exemple de l'argent, mais avec nos actions, on est en train de le dire indirectement. Amen. Your action, how we forget him. So wie ihn vergessen. Par exemple, quand tu oublies l'Éternel. Amen. That we don't even remember him at all. Dass wir uns nicht an ihn erinnern. Quand tu te rappelles pas de l'Éternel. Before we received the money, it was Lord, it's all about you. And to those who want to be there should be there. And now things have worked out. You don't even think of him at all. Vorher war er der Kopf deiner Finanzen und es ging immer um ihn, aber als dann das Geld gekommen ist, denkst du gar nicht mehr über ihn nach. Avant c'était l'Éternel la tête de tes finances, mais maintenant que l'Éternel t'a aidé de surpasser cette étape, tu as oublié de le remercier. Amen. People go out to do different things and then they never return home. Leute gehen raus und tun verschiedene Dinge und kommen niemals zurück nach Hause. Il y a des gens qui sortent et ils ne reviennent pas à la maison. He's your protection. Der Herr ist dein Schutz. Mais lui, il est notre protection. He continues to be your protection. Er bleibt dein Schutz. Il continue à être notre protection. We must learn never to forget him. Wir müssen lernen, ihn niemals zu vergessen. On doit vraiment apprendre à ne pas oublier l'Éternel. Amen. The Bible says without him we can do nothing. Wie gesagt, ohne ihn können wir nichts tun. La Bible nous recommande, nous dit que, nous rappelle que sans lui on peut rien faire. That is the same thing he's saying here in verse 17. He said, and thou say in your heart, my power and the might of my hand have gotten me this wealth. Are you getting it? He is the doer of everything for us. Er ist der Macher von allem für uns. Verset 17, il nous dit que ne pensez jamais que vous aviez atteint la prospérité par vous-même, par vos propres forces. Donc sans lui, on ne peut rien faire. In verse 17, he said, but thou shalt remember the Lord your God. For it is he that giveth thee power to get wealth, that he may establish his covenant, which he swear unto his your father, as it is this day. Verse 19. And it shall be, if thou do at all forget the Lord your God, and walk after other gods. You know, walking after other gods. Anderen Göttern nachfolgen. Et dit que si vous oubliez l'Éternel et vous suivez autre dieu. He said, if you forget the Lord your God, how? By walking after other gods. Wie machen wir das, indem wir anderen Göttern nachlaufen? Verset 19, si vous oubliez le Seigneur votre Dieu, si vous vous mettiez à rendre le culte à d'autres dieux. Seeing other things more important than him. Andere Sachen wichtiger sehen als er. Et adorer ces choses-là, c'est quand tu vois autre chose qui sont comme si tu considères autre chose qui sont plus importants que lui. You remember other things, but you forget. You cannot even remember him. Tu erinnerst dich an andere Dinge, aber ihn vergisst du. Tu te rappelles de faire de payer ou bien de faire quelque chose, mais tu te rappelles tu oublies l'Éternel. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 19 again. 19 nochmal. Encore 19. And it shall be, if thou do at all forget the Lord your God, and walk after other gods, and serve them, and worship them, and testify against you this day, that you shall surely perish. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. We should never open the door for Satan to come in any way. Wir sollten dem Teufel niemals die Tür öffnen, irgendwie reinzukommen. On ne doit jamais ouvrir la porte au diable d'entrer. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Again, what he gave us is greater than what he gave them. Was er uns gegeben hat, ist größer als das, was sie ihnen gegeben haben. Encore une fois, ce qu'on a reçu de l'Éternel, c'est encore plus grand que ce qu'il avait donné à l'ancienne église. Amen. If he, you know what we just read, he said it to them. How much more will he say more than this to us today? Wenn er das, was er den der alten Gemeinde gesagt hat, ihnen gesagt hat sozusagen, wie viel mehr wird er es uns auch sagen heute? Et si il était capable à dire ça, ces choses ici à l'ancienne église, à plus combien plus forte raison il va nous le dire aujourd'hui? Praise the Lord. Hallelujah. I hope you know the difference between we today and those You know, the first church and now the second church. Ich hoffe, ihr kennt den Unterschied zwischen der ersten Gemeinde und der und uns der des zweiten Gemeinde. Et j'espère que vous connaissez la différence entre la première église et notre église. He said, remember him in all things. Wir sollen uns in allen Dingen an ihn erinnern. On doit se rappeler toujours, on touche toutes choses de Jésus-Christ. Don't pick and choose where to remember him. Wähle du dich aus, wann du dich an ihn erinnerst. Tu dois faire attention de ne pas trier où tu veux te rappeler de l'Éternel. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Again, I hope you know the difference between you today and those of the past. Ich hoffe, ihr kennt den Unterschied zwischen euch heute und der Vergangenheit. J'espère que vous connaissiez la différence entre vous aujourd'hui et les gens dans l'ancienne église, dans le passé. Jesus came to pay the price for us. Jesus kam, um den Preis zu bezahlen für uns. Jésus-Christ est venu pour payer le prix pour nous. Then the price have not been paid. Damals wurde der Preis noch nicht bezahlt. Avant, le prix n'était pas encore payé. They can even have excuses, but not we. Sie können vielleicht sogar eine Entschuldigung haben, aber nicht wir. Eux, par exemple, ils peuvent avoir des excuses, mais nous, on n'a pas des excuses. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. How to live all for him. Wie wir alles für ihn zurücklassen. Comment on va tout laisser derrière nous pour l'Éternel? And how to let him be all? Wie wir zulassen, dass er alles ist. Et comment on lui permet d'être tout pour nous? Is to remember him in all. Ist, indem wir uns an ihn in allem erinnern. C'est quand on se rappelle de lui en tout. I hope you understand what I just said. Amen. Amen. Again, how to live all for him? Wie wir alles für ihn zurücklassen. Comment on laisse tout pour lui. And how to let him be all for wir zulassen, dass er alles ist für uns. Et comment on permet qu'il puisse être tout pour nous. Is to remember him in all. Ist, indem wir uns in allem an ihn erinnern. C'est quand on se rappelle en tout, on se rappelle en Jésus-Christ. And to remember Christ. Once you remember Christ, you are inviting the Holy Spirit. Wenn wir uns an Christus erinnern, laden wir den Heiligen Geist an. Et dès que tu te rappelles à Jésus-Christ, c'est comme ça que tu es en train de d'inviter le Saint-Esprit. Example, the concert we did just some weeks ago. Ein Beispiel, das Konzert, das wir vor einigen Wochen veranstaltet haben. Par exemple, le concert qu'on avait fait quelques semaines passées. His own. His own, beispielsweise. His own. The gospel beats. Gospel beats. Gospel beats. The ministry. Die Gemeinde. L'église. He brought all the people there. Er hat all die Leute dorthin gebracht. C'est lui qui a emmené tous les gens qui étaient là. Amen. Amen. Without him, we can't do nothing. Ohne ihn können wir nichts tun. Et sans l'Éternel, on peut rien faire. Praise the Lord. Amen. We must live all for him. Wir müssen alles für ihn zurücklassen. On doit tout laisser pour lui. By reminding ourselves of him all the time in everything. Indem wir uns jeden Tag an ihn erinnern. Et comment on le fait, c'est quand on se rappelle chaque jour de lui. Amen. Amen. Let us learn to remember him in everything. Lass zu, dass wir uns daran ihn in allem erinnern. Lass zu, dass wir uns in allem an ihn erinnern. Donc, on doit permettre à nos pensées de se rappeler de lui chaque situation, chaque moment. Amen. That's how you live all for him. So, lassen wir alles für ihn zurück. C'est comme ça qu'on laisse tout pour l'Éternel. Remember in Mark 10, Peter said we left all. Markus 10 hat Petrus gesagt, wir haben alles zurückgelassen. Rappelez-vous, à Marc 10, Pierre a dit qu'on a tout laissé pour l'Éternel. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Live all by reminding yourself of him all the time. Lass alles zurück, indem du dich immer wieder an ihn erinnerst. Laisse tout quand tu te rappelles de Jésus-Christ. C'est comme ça que tu laisses tout. Allow him to be the head. Lass zu, dass er der Kopf ist. Permet l'Éternel à être la tête. Once he is the head, he will take control of all the body. Wenn er der Kopf ist, wird er in Kontrolle vom Körper sein. Dès que lui il est la tête, c'est comme ça qu'il va, oui, il va contrôler tout le corps. He never keep any good things away from his children. Er würde seinen Kindern nichts Gutes vorenthalten. Donc il va toujours donner des bonnes choses pour ses enfants. Amen. Amen. If he is the doer of everything for us, let us also remember him in everything. Wenn er der Macher ist von allem für uns, dann lasst uns ihn auch in allem lasst uns auch in allem an ihn denken. Donc si c'est lui qui est la personne qui fait tout pour nous, donc on doit aussi apprendre à se rappeler de l'Éternel dans chaque situation. If we want him to be all things for us, we must also remember him in all things. Wenn wir wollen, dass er alles ist für uns, dann müssen wir ihn auch in allem in unseren Gedanken haben. Donc si on veut qu'il puisse être notre tout, on doit aussi toujours se rappeler, donc lui méditer à l'Éternel, donc toujours l'avoir dans nos pensées. Amen. Amen. You know the children of Israel. Les enfants d'Israël, beispielsweise. Rappelez-vous des enfants d'Israël, par exemple. Amen. Amen. After one miracle, then the next, you know, before they can even remember him, the next is very difficult. Nach einem Wunder ist es für sie immer sehr schwierig, sich wieder an ihn zu erinnern. Es braucht wieder das nächste Wunder, um wieder an ihn zu gedenken. Donc les enfants d'Israël, par exemple, dès qu'il y avait un miracle, ils avaient toujours du mal à se rappeler de l'Éternel, et puis partaient dans l'autre miracle, et puis ils avaient toujours du mal à se rappeler de l'Éternel. Even the disciples, you know, when Jesus told them, he said he warned them against the leaving of the Pharisees. Auch als Jesus seine Jünger über den vor dem Sauerteig der Pharisäer gewarnt hat. Et même les disciples de Jésus-Christ, quand l'Éternel les avait avertis du pain des pharisés. Amen. You know, les virent des pharisés. You know, the disciples thought he was talking about bread. Die Jünger dachten, es geht um Brot. Les disciples pensaient qu'il s'agissait du pain. Amen. Amen. And Jesus said, how can you think about bread? Don't you know who I am? Und Jesus sagte, wie könnt ihr jetzt über Brot nachdenken? Wisst ihr nicht, wer ich bin? Et Jésus-Christ, il a dit, mais comment vous pouvez maintenant penser au pain? Vous ne me connaissez pas? Have you forgotten everything? Habt ihr alles vergessen? Habt ihr alles so schnell schon vergessen? Est-ce que vous avez tout oublié? Amen. Mm-hmm. You know, the slightest problem, we are already in panic. Bei dem kleinsten Problem sind wir schon in Panik. Donc dans le plus petit problème, vous avez déjà des paniques. The slightest news, we are already afraid. Bei der kleinsten Botschaft haben wir schon Angst. Donc on vous donne une mauvaise un mauvais rapport, vous avez mauvaise déjà nouvelle. Mauvaise nouvelle et vous êtes en train de paniquer. Amen. Amen. We are hardly different from the old. Und wir sind fast nicht anders als die alte Gemeinde, als donc, die erste Gemeinde. Nous sommes vraiment pas différents avec nos actions. Nous sommes pas différents de l'église, de l'ancienne église. And the Lord was not happy with them. Und den Herrn hat das nicht erfreut. Et l'Éternel n'était pas content avec eux. Amen. Amen. Let us remember him. Lasst uns an ihn gedenken. Donc on doit vouloir se rappeler de l'Éternel. That he finished the job. Dass er das Werk vollbracht hat. Le fait qu'il a déjà accompli. Let us remember him that we have him. Lasst uns an ihn denken, dass wir ihn haben. On doit se rappeler qu'on a l'Éternel. Let us remember him that he is the door of everything. An ihn denken, dass er der Macher von allem ist. On doit se rappeler qu'il est la personne qui fait tout. If we cannot remember him in the little, how can we remember him in the much? Wenn wir im Kleinen nicht an ihn gedenken, wie viel mehr werden wir es nicht im Großen tun. Si on n'est pas capable à se rappeler de l'Éternel dans des petites choses, comment on veut être capable à se rappeler de l'Éternel dans des grandes choses? Amen. Amen. Remember his ministry. You remind yourself of his ministry. That is how you remind yourself mostly of him. Let me put it that way. Kannst du nochmal? Let me bring it to this side. Mm-hmm. Once if you have the ministry in your heart. Wenn du die Gemeinde in deinem Herzen hast. Quand tu as l'église dans ton cœur. That is the most ways you can always remember him. So erinnerst du dich auch immer wieder an den Herrn. C'est la manière laquelle que tu te rappelles toujours de l'Éternel. Because nothing can separate him from his ministry. Denn nichts kann ihn von der Gemeinde trennen. Parce qu'il y a rien qui est capable de lui séparer de son ministère. Because Christ and his church are one. Weil Christus und seine Gemeinde eins sind. Et parce que Jésus, le Christ et son église, ils sont un. I'm not talking about a religious church. Ich spreche nicht über eine religiöse Gemeinde. Et je ne parle pas d'une église religieuse. But a living church. Aber eine lebendige Gemeinde. Mais une église vivante. Let us quickly go to Colossians 1, please. Colossiens 1. Praise the Lord. Alléluia. Colossians 1. Verse 18. Colossiens 1, verset 18. He said, but he is the head of the body, the church. He is supposed to be the head of all churches. Head of every church. Er sollte das Haupt jeder Gemeinde sein. Donc l'Éternel devrait être la tête de chaque église. Amen. Mm-hmm. A living church, Christ is the head of the living church. In einer lebendigen Gemeinde ist Christus der Kopf. Dans une église vivante, c'est Jésus-Christ qui est la tête de l'église. Amen. Amen. Religious churches also have their head. Religiöse Gemeinden haben auch ihren Kopf. L'église religieuse, eux aussi, ont aussi leur tête. Their head is Satan. Ihr Kopf ist der Satan. Et leur tête, c'est le diable. There is no church without the head. Es gibt keine kopflose Gemeinde. Il n'y a aucune église sans tête. The head is either Christ or Satan. Der Kopf ist entweder Christus oder Satan. Parce que la tête est toujours ou le diable ou Jésus-Christ. Mm-hmm. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. The head mean everything. The head mean everything. It means everything. Der Kopf bedeutet alles. Donc la tête, ça signifie tout. Because without the head, the body cannot live. Denn ohne den Kopf kann der Körper nicht leben. Parce que sans la tête, le corps ne peut pas vivre. The head is everything. It's all things. Der Kopf ist alles. Donc la tête, c'est tout. Because without the head, the body, there is nothing like the body. Ohne den Kopf gibt es den Körper nicht. Parce que sans la tête, il n'y a pas le corps. You can see somebody without hand, without leg, without eye, but you cannot see anyone without head. Wir haben schon einige Menschen vielleicht gesehen, die amputierte Glieder haben, keinen Arm, kein Bein, aber wir haben noch niemanden ohne Kopf gesehen. Donc on a déjà vu différentes personnes, des personnes sans pied, sans œil, sans main, mais on n'a jamais vu une personne marcher ici sur terre sans tête. We just read that he is the head of his own church. Wir haben gelesen, er ist der Kopf seiner eigenen Gemeinde. On vient de dire qu'il est la tête de sa propre église. Praise the Lord. Hallelujah. There is no body. There's not like a body without a head. Es gibt keinen Körper ohne Kopf. Il n'existe pas de un corps sans tête. Amen. It is either Christ or Satan. Entweder ist es Christus oder der Satan. C'est toujours le Christ ou le diable. Amen. Without the head, the body cannot exist. Ohne den Kopf kann der Körper nicht existieren. Sans la tête, le corps ne peut pas exister. Amen. Amen. The spiritual world controls the physical world. Die geistliche Welt kontrolliert die physische Welt. Le monde spirituel contrôle le monde physique. Pastors, preachers, prophets, bishops, reverend, or whatever they call them, CEO, they are not the head of the church. Pastoren, Geschäftsführer oder Bischöfe oder irgendwelche Leute, das sind nicht die Köpfe der Gemeinde. Le pasteur, le prêtre, les bishops, tout ça, ils sont pas, ce sont pas eux la tête de l'église. The head is either Christ or Satan. Der Kopf ist entweder Christus oder der Satan. La tête c'est toujours le Christ ou le diable. Amen. Amen. And everything belongs to the head. Und alles gehört dem Kopf. Et tout appartient à la tête. If the head is Christ, it means Christ is everything. Das heißt, wenn der Kopf Christus ist, ist Christus alles. Ça signifie que si la tête c'est le Christ, ça signifie que le Christ est tout. And if the Satan is the head of that church, you know, it means Satan is everything in that church. Wenn der Satan der Kopf dieser Gemeinde ist, dann ist der Satan alles in dieser Gemeinde. Et si c'est le diable qui est la tête de cette église, ça signifie que le diable est en charge de toute chose dans cette église. We either allow Christ to be the head or Satan will automatically be the head. Wir lassen entweder zu, dass Christus der Kopf ist, oder der Satan wird automatisch der Kopf dieser Gemeinde sein. Donc on va toujours permettre ou au diable ou au Christ on va toujours accepter que soit c'est le Christ qui est la tête de l'église ou c'est le diable la tête de l'église. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The Lord wants us to remember him in all things, please. Der Herr will, dass wir uns an ihn erinnern, allen Dingen. L'Éternel veut qu'on puisse se rappeler toujours de lui en toutes choses. Amen. Amen. Because he trains us with all things. Denn er trainiert uns mit allen Dingen. Parce qu'il nous entraîne à travers toutes choses. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. So please, if you have questions later, you can also ask. Amen. Amen. Now we want to go to our message. Amen. Jetzt geht es weiter mit unserer Botschaft. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. On va continuer maintenant avec notre deuxième message. Praise the Lord. Hallelujah. That Jesus alone is our faith. Christus Jesus allein ist unser Glaube. Seul Jésus-Christ est notre foi. Amen. Amen. Christ alone is our faith. Christ. And not plus any other thing. Christus allein ist unser Glaube, nicht plus irgendwas anderem. C'est seulement Jésus-Christ qui est notre foi. C'est pas Jésus-Christ et quelque chose d'autre. And we should learn never to give people two things. Wir sollten lernen, Leuten niemals zwei Optionen zu geben. Et on doit apprendre à ne pas donner aux personnes, aux gens, deux options. Always give just one thing to people, and that one thing should be Christ. Gebe Leuten immer eine Sache, und diese eine Sache ist Christus. Donne à l'être humain toujours une chose, et cette chose-là, ça doit être Jésus-Christ. Anything plus Christ Jesus is Satan. Alles plus Christus Jesus Satan. Chaque chose plus le Christ, c'est toujours le diable. On Sunday, we were here in Luke 4. Where Jesus said, we are to worship the only true God alone. Am Sonntag waren wir bei Lukas 4, wo steht, dass wir den einzigen wahrhaftigen Gott anbeten sollen. Dimanche, on avait lu Luc 4, où il avait dit, nous avait recommandé d'adorer seulement le seul vrai bon Dieu. It means we are to choose him alone. Wir müssen ihn allein wählen. Donc ça signifie, choisis que le Seigneur Jésus-Christ. Quickly go there, please. Luc 4, please. Lukas 4. Donc, Luc 4. Look for from verse 5 to 8. Lukas 4 von 5 to 8. Von 5 bis 8. Luc 4, 5 à 8. And the devil taking him up into the high mountain show unto him all the kingdom of the world in a moment. And the devil said unto him, all this power will I give thee, and the glory of them. For that is delivered unto me, and to whomsoever I will give it. If thou therefore will worship me, all shall be thine. And Jesus answered and said unto him, get thee behind me, Satan. For it is written, thou shalt worship the Lord your God, and him only shalt thou serve. Mm-hmm. Him only. In alone. Donc on doit seulement adorer le seul vrai bon Dieu. Mm. Only Christ, Christ alone shall you serve. Christ alone sollst du dienen. Donc c'est verset 8 où Jésus-Christ lui répond, adore le Seigneur ton Dieu et ne rend de culte qu'à lui-même. Amen. Amen. And not Christ and something else. Und nicht Christus und irgendwas anderes. Donc tu dois rendre le culte seulement à l'Éternel et pas à l'Éternel et quelque chose d'autre. In Luke 16, verse 13, it says you cannot serve God and mammon. Lukas 16, Vers 13, steht, wir können nicht Gott und den Mammon dienen. Luc 13, verset 16, il nous dit qu'on ne peut pas servir l'Éternel Jésus-Christ et le mammon. Can never be two things. Es kann niemals zwei Sachen sein. Donc tu ne peux jamais servir deux choses à la même. Our faith forbids two things. Unser Glaube verbietet zwei Dinge. Notre foi est en train de. Interdire. Voilà, merci, choses. Pardon. Notre foi est en train d'interdire deux choses. Amen. Mm-hmm. Our faith forbids two things. Unser Glaube verbietet zwei Dinge. Notre foi interdit deux choses. You know, Philippians 3, Paul said, one thing I do. In Philippa 3 steht. Just one thing. It's always one thing once you come to the kingdom of heaven. Amen. Es gibt immer nur eine Sache, die ich tue. Philippiens 3, Paul dit qu'il y a seulement une seule chose que je fais. Amen. Donc il y a toujours une seule chose que tu dois faire. Praise the Lord. Hallelujah. Our faith forbids two things. Unser Glaube verbietet zwei Dinge. Donc notre foi, ça interdit deux choses. It's not Christ and something else. Nicht Christus und irgendwas anderes dazu. Il s'agit jamais de Jésus-Christ et d'autres choses. It's not Christ and your education. Nicht Christus und deine Bildung. Donc pas Jésus-Christ et tes études. That is why Paul said, I have to call back the degree, everything shit, so that I can win him. Because it forbids two things. Deswegen nennt Paulus seine Bildung Mist, damit er alles andere verbietet. C'est pour cela, Paul, lui, par exemple, il a appelé son éducation de la merde seulement pour être capable à voir ou bien être concentré seulement à Jésus-Christ. Because whatever you add to it will take you away from Christ. Denn alles, was du hinzufügst, wird dich von Christus wegnehmen. Parce que toute chose que tu es en train de d'additionner à Jésus-Christ, ça va toujours te t'écarter de l'Éternel. Amen. Let's go to Philippians 3, please. And could you say something there? Philippiens 3. Philippiens 3. Verset 7. 7. He said, but what things were gained to me? The degree and everything. They were gained to me. They're supposed to be gained to me. Amen. The tradition. Are you getting it? The understanding of the system of this world. The knowledge of this world. Die Weisheit dieser Welt. Is supposed to be gained to him. Sollte eigentlich Gewinn sein für ihn, ein Vorteil sein. Il a dit que mais ces qualités que je regardais comme un gain, par exemple sa qualification, ses études, la sagesse de ce monde, c'était toujours un gain pour lui. Amen. My talent, my gift, is supposed to be gained for me. Donc tous ses talents, ce qu'il croyait, c'était un gain pour lui. Are you getting it? They supposed to be gained, but we said, but what things were gained to me? Those are counted loss for Christ. They are no longer gained. They are nothing to me because of Christ. Amen. Because it can never be true. Es bedeutet mir nichts mehr wegen Christus, weil es niemals zwei Optionen geben kann. Amen. Et puis il dit ici que je les considère maintenant comme une perte à cause du Christ. Donc tout ce que je voyais comme un gain, ça ne signifie plus rien pour moi à cause de Jésus-Christ, parce que je ne peux pas avoir deux options, j'ai qu'une option. Et ça, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. In verset 7, yea, doubtless. And I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord. For what I have suffered, the loss of all things, that and do count them but dung, that I may win him. Everything, all others, they are nothing for because of Christ Jesus. Amen. He must be just one. Alles andere ist nichts. Im Vergleich zu Christus, er muss alleine stehen. Et verset 8, il dit que je considère tout cela comme des déchets afin de gagner Jésus-Christ, le Christ. Donc ça signifie qu'il est en train de considérer toute autre chose comme rien. Amen. And be found in him, not having my own righteousness. Praise the Lord. Amen. The good of this world. Le fruit dieser Welt. Amen. Amen. Mm. Donc il a dit que, et d'être parfaitement uni à lui. Amen. What I used to call good. Was ich vorher gut nannte. Il a dit que je n'ai plus de la prétention d'être juste grâce à ma pratique de la loi. Praise the Lord. And be found in him, not having my own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ. The faith of Christ. Amen. Amen. The righteousness which is of God by faith. Everything is Christ Jesus. Faith of Christ. Right? Once he's talking about righteousness, he's talking about Jesus Christ. Once he's talking about faith, he's talking about Christ Jesus. Geht es um Christus. Wenn es um Glauben geht, geht es um Christus. Donc il dit que c'est, et continue, il dit, c'est par la grâce au Christ que je le suis, grâce à cette possibilité d'être juste créé par Dieu. Donc quand il parle de la justice, il parle toujours de Jésus-Christ. Amen. Verse 10, he said that I may know him. And the power of his resurrection. Amen. And the fellowship of his suffering. Being made conformable unto his death. If by any means I might obtain unto resurrection of the dead. Not as though I have already obtained. Either we are already perfect. But I follow after if that I may apprehend. That for which also I am apprehended of Christ Jesus. Then verse 13. Brethren. Verse 13. I count not myself to have apprehended. But one thing I do. Forgetting those things which are behind. And reaching forth unto those things which are before me. And that what that which is before me is Christ Jesus alone. Was vor mir steht, ist Christus Jesus allein. Donc il a dit que à verset 13 que j'oublie ce qui est derrière moi et je m'efforce d'atteindre celui qui est devant moi et celui qui est devant moi c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. In Colossians 1 he said everything was created. They were created by him and for him alone. In Colossiens 1 steht, dass alles für ihn und von ihm erschaffen wurde. In Colossiens 1 il a dit que tout a été créé pour lui et par lui. Just like for him everything was of his father, so also for us everything must be Christ Jesus. Genauso wie es Jesus immer nur um seinen Vater ging, muss auch uns immer nur um Christus Jesus gehen. Et tout comme pour Jésus-Christ, il s'agissait toujours de son Père, c'est comme ça aussi que aujourd'hui pour nous il s'agit toujours de notre Père Jésus-Christ. Amen. Amen. Christ, the faith of Christ. Der Glaube von Christus. Donc la foi en Christ. The faith in him, the faith in Christ, the faith. Yeah, these are two different things. The faith of Christ and the faith in Christ. Der Glaube von Christus und der Glaube in Christus, an Christus. Donc il y a deux fois différents. La foi du Christ et la foi en Christ. Amen. Amen. One is talking about how Jesus, his faith was his father. And now, the finished work of Christ is our faith. Eins spricht davon, dass der Glaube von Christus sein Vater war, aber jetzt ist der das fertige Werk von Christus unser Glaube. Donc une foi qui dit que qui nous explique que la foi du Christ c'était son père et l'autre foi qui nous rappelle que notre foi c'est son œuvre accomplie. Amen. Amen. Colossians 1:4. Let's go there first. Colossiens 1:4. On va lire Colossiens 1:4. Colossians 1:4. It says, since we heard of your faith in Christ Jesus, faith in Christ Jesus. Glaube an Christus, in Christus Jesus. Et dit, en effet, vous avez parlé de votre foi en Jésus Christ. It's different from faith of Christ Jesus. C'est anders als der Glaube von Christus Jesus. C'est différent de la foi du Christ. Faith of Christ Jesus is in Galatians 2:20. Der Glaube von Christus ist in Galater 2:20. La foi en Christ, c'est dans Galates 2:22. Praise the Lord. Amen. Amen. I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ which liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. The faith of the Son of God, the faith of Christ Jesus. Der Glaube von Christus Jesus. Il a dit que de sorte que je ne vis plus, mais c'est le Christ qui vit en moi, car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Amen. Amen. En Colossiens 1, again said, faith in Christ Jesus. Colossiens 1, c'est Glaube an Christus Jesus. Mm-hmm. Et Colossiens 1 nous parle de la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. This period is the period of faith. Diese Zeit ist die Zeit des Glaubens. Ce période ici c'est la période de la foi. Amen. Amen. Galatians 3 talks about the coming of our faith. In Galater 3 geht's um das Kommen unseres Glaubens. Et dans Galates 3 il s'agit Let's go there please. Galatians 3 talks about the coming of our faith. C'est notre foi qui arrive. Il s'agit de notre foi qui arrive. Which is this period? Die Ankunft unseres Glaubens, das ist die Zeit, in der wir uns befinden. Notre foi qui arrive, c'est le période, ce période ici. That's Galatians 5. Galatians 3 verse 25. Galater 3, 25. Galates 3 verset 25. So, but after that faith is come, we are no longer under a schoolmaster. Faith has come. We are the family of faith. Der Glaube ist gekommen. Wir sind die Familie des Glaubens. Donc, la foi est venue. Nous, nous sommes la famille de la foi. C'est Galates 3, 25 qui nous le fait voir ici. That's why Hebrews said, without faith, no man shall please the Lord. C'est Hébreux, ohne Glauben kann niemand dem Herrn gefallen. Et c'est pour cela, Hébreux, on lit que sans la foi, il n'y a personne qui peut plaire à l'Éternel. It means without Christ, no one shall please the Lord. C'est ohne Christus kann niemand dem Herrn gefallen. Ça signifie que sans Jésus-Christ, il n'y a personne qui peut plaire à l'Éternel. Amen. Amen. Faith means Christ. Glaube bedeutet Christus. La foi, ça signifie Jésus-Christ. It means Christ the Lord. Christus der Herr. Jésus-Christ notre Dieu. Faith in his finished work. Glaube an sein fertiges Werk. La foi de son œuvre accomplie. Which is the period that we are now. Das ist die Zeit, in der wir uns jetzt befinden. C'est le période où on se trouve maintenant. Amen. La période où on se trouve maintenant. And that's why this period, everything they are different. Deswegen in dieser Zeit ist alles anders. Donc c'est pour cela dans cette période ici. Toute chose est différente. Our prayers are different. Nos gebets sont anders. Notre prière est différente. We no longer pray like the old. Wir beten nicht mehr so wie im alten Bündnis. On ne prie plus comme dans l'ancien. Amen. Amen. Everything of this period are different from the period of that of the Father and that of the Son. Alles ist anders als in der Zeit des Vaters und des Sohnes. Donc toute chose est différente que que le période du père et le période du fils. No longer of the old. Nicht mehr vom alten Bündnis. Donc nous sommes plus de l'ancien convenant. No longer the old relationship. Nicht mehr die alte Beziehung. Il s'agit plus de l'ancienne relation. Amen. Amen. We are crying where God is your master. Wo Gott dein Meister ist. Où Dieu était ton maître. Which is master servant and master relationship. Wo wir eine Knecht und Meister Beziehung haben. Dans l'ancien où on avait une relation. Ils avaient une relation donc du maître et un serviteur, servant. Now it's father-son relationship. Jetzt haben wir eine Vater-Sohn-Beziehung. Dans notre temps maintenant, on a une relation où on est. Il s'agit de notre père, donc fils et père. Also, no longer the old fasting and prayer. Und auch nicht mehr das alte Fasten und Beten. Donc il s'agit plus aussi de l'ancien jeûne de prière. No longer the old covenant. Nicht mehr das alte Bündnis, sondern das neue Bündnis. Donc il s'agit plus de l'ancien convenant, maintenant de l'ancien. No longer the old circumcision. Nicht mehr die alte Beschneidung. Il s'agit plus de l'ancien circoncision. No longer the old dreams. Die alten Träume. Les anciens rêves. Dreams only control the natural people. Träume kontrollieren nur die natürlichen Menschen. Parce que les rêves, ça contrôle seulement l'être naturel. Christ controls us. Christus kontrolliert uns. Amen. Le Christ qui nous contrôle. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. No longer the old prophecy. Nicht mehr die alte Prophezeiung. Il s'agit plus de la l'ancienne prophétie. No longer the old vision. Nicht mehr die alte Vision. Il s'agit plus de l'ancienne vision. No example the old dreams. Let me just use it because of time. Amen. Je vous donne un exemple de l'ancien rêve. The old dreams. For example, you know the old dreams and the now dreams. You know, Jesus never even talked about any dream when he came. Jesus hat nie über irgendeinen Traum gesprochen, als er gekommen ist. Par exemple, si on voit bien dans la Bible, Jésus-Christ n'a jamais parlé des rêves quand il était venu. You know, in the old dreams was common. Im alten Bündnis waren Träume gewöhnlich, normal. Dans l'ancien convenant, üblich. Dans le temps du Père, en fait, les rêves, c'était toujours normal, en fait. Remember Joseph, he dreamt. Il y avait viele Träume. Il y avait Joseph qui il était toujours en train de rêver. But this period, Christ the truth is our dream. Aber in dieser Zeit ist Christus die Wahrheit, unser Traum. Mais dans notre période, c'est maintenant Jésus-Christ qui est notre vérité, c'est lui qui est notre rêve. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. No longer, no, don't go after the old dreams, please. Sei nicht hinter den alten Träumen her. Donc il faut plus suivre l'ancien rêve. Amen. Les anciens rêves. We are out of the period of the Father and of the Son. Wir sind raus aus der Zeit des Vaters und des Sohnes. On est déjà sorti de ce période du Père et dans le période du Fils. Then it was all about the master and the servant. Damals ging es immer um Meister und Knecht. Donc là il s'agissait seulement de la relation entre maître et servant. But now it's father and son. Aber jetzt ist eine Vater-Sohn-Beziehung. Mais maintenant, dans notre période du Saint-Esprit, là, il s'agit que de la une relation entre père et fils. Amen. Amen. You know, Jesus teaching the disciples how to pray. Als Jesus den Jüngern beigebracht hat, wie man betet. Quand Jésus-Christ a appris à ses disciples comment prier. Because we must learn how to pray. Wir müssen lernen, wie man betet. C'est important d'apprendre comment prier. A wrong prayer will always give you wrong results. Falsche Gebete werden immer falsche Resultate bringen. Donc, des fausses prières vont te donner toujours, tu vas obtenir des mauvais résultats. That's why it's very good that we pray in tongues always. Deswegen ist gut, dass wir ständig in fremden Zungen beten. Et c'est pour cela que c'est vraiment important pour nous de toujours prier en langue. Because once you are praying in tongues, your spirit, the part of you that is completely Christ Jesus, is the part that is praying. Amen. He knows all things. Amen. Weil dann betet der Geist, unser Geist, der Teil von uns, der alles weiß. Parce que dès que tu pries en langue, c'est ton esprit, la partie de toi qui est parfaite, qui est en train d'intercéder, qui est en train de parler à l'Éternel. Amen. Amen. 1 Corinthians 2. Please quickly go there, please. 1 Korinther 2. On va lire 1 Corinthiens 2. From verse praise the Lord. Alléluia. From verse 9. Vers 9. 1 Corinthiens 2, verset 9. It says, but that is, as it is written, I have not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God has prepared for them that love him. Verse 10. But God has revealed them unto us by his Spirit. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. Verse 11. For what man knoweth the things of a man, save the spirit of a man, which is in him? Even so, the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. Our spirit, the part of us that is completely safe, knows all things. Unser Geist, der Teil von uns, der errettet ist, weiß alle Dinge. Donc on voit qu'on a on a reçu l'esprit de Dieu. Donc notre nouvel esprit, c'est la partie de nous qui connaît tout, parce que oui. Verse 12 says we do not have the same spirit like them. In 12 steht, dass wir nicht den gleichen Geist wie sie haben. Verset 12 nous fait voir qu'on a même pas, on a pas le même esprit que les gens de ce monde. Let's read it. It says, now we have received not the spirit of the world, but the spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of Amen, God. Amen. Praise the Lord. Mm. Donc, verset 12, nous n'avons pas reçu nous l'esprit de ce monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les dons de Dieu que Dieu nous a accordés. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 37, which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. The Holy Ghost is our teacher. Der Heilige Geist ist ein Lehrer. Donc c'est le Saint-Esprit qui est notre professeur. Amen. Amen. It's a comforter. Es ist ein Tröster, ein Helfer. It's, you know, just there for us. Es ist einfach da für uns. Donc le Saint-Esprit est, c'est lui qui nous enseigne, il est notre conforteur, il est toujours là pour nous. And we must learn to invite him to do all things for us. Und wir müssen lernen ihn einzuladen, alle Dinge für uns zu tun. Et c'est pour cela on doit apprendre à toujours l'inviter à tout faire pour nous. Praise the Lord. Alléluia. Amen. In Luke 11, let's go to Luke 11. The disciple asks, one of them asked the Lord to teach them how to pray. Lukas 11, einer der Jünger hat Jesus gefragt, wie man betet. Donc Luke 11, il y avait un des disciples qui a demandé à Jésus-Christ comment prier. One of my children have been asking to teach on this very place, the prayer about prayer. Und einer meiner Kinder hat darum gebeten, über diese Stelle nochmal zu lehren, über das Beten. Wie betet man? Il y a un de mes enfants ici de l'église qui m'a aussi demandé de l'apprendre comment on prie.